avec l'interaction, donc, on va se poser des questions. L'interaction d'ordre, sous-midi, absorption, distribution, éducation, métabolisme. Maintenant, interaction d'ordre dynamique. Vous n'avez pas eu cours tout là-bas. J'ai demandé chaque fois qu'on fait un cours, on m'a fait. Pardon ? J'ai transmis cette information au délégué. Il a pris les chiffres, même s'il arrive une petite demi-heure en retard, on aurait pu terminer les cours. C'est bon pour vous. Je donne les cours de 6 heures, je ne fais ni à l'hôpital, ni à la fac. Le temps d'arriver, l'embouteillage. On va résumer donc les éléments en raisonnant de la même façon comment un médicament peut-il entrer en interaction chronique vis-à-vis d'un autre médicament et maintenant se produit aussi des récepteurs. De quelle façon ? Comment un médicament B peut-il rentrer en compétition avec interagir ? Ou là, à quel moment on peut dire qu'il y a interaction ? Au niveau des récepteurs. Toujours la même question, c'est par quel mécanisme ? Pardon ? Je pense qu'on est arrivé à la fin des interactions, vous avez compris le raisonnement. C'est des choses déjà dites. C'est le même système. Essayez de raisonner de façon, je dirais, terre à terre. Un médicament doit se fixer sur un récepteur par quel biais ? Selon son affinité. Tout simplement. Donc s'il y a une autre molécule qui va venir, quelle est plus l'affinité ? D'accord ? Qu'elle ait plus d'affinité. Et à ce moment-là, elle est capable de dépasser la molécule initiale pour se fixer à sa place. Si elle a moins d'affinité, elle ne peut en aucun cas la dépasser. On appelle ça un antagoniste compétitif. Dans les récepteurs, c'est ça ce qu'on appelle un antagoniste compétitif. Maintenant, est-ce qu'il y a réponse ou pas ? On avait défini un antagoniste compétitif comme étant donc une molécule qui peut même déplacer un agoniste de ces six récepteurs pour bon, produire ou pas un effet. Maintenant, la deuxième question, c'est la spécificité. Elle peut donc carrément se fixer sur le récepteur et le fermer. Ne pas produire carrément, elle le déplace pour se fixer à sa place. On appelle ça. Il n'y a, plus de réponse. Un inhibiteur total. Pour les appeler, ça nécessite des antidotes. Ce n'est pas dans le cadre thérapeutique, mais c'est plutôt dans un cadre de psychologie. Dans le cadre des intoxications. On a ce qu'on appelle un antagoniste compétitif. Il est capable de déplacer un médicament, mais sans pour autant, c'est-à-dire qu'il verrouille, il ferme le récepteur. Et là, on parle également, c'est un inhibiteur, c'est un antagoniste compétitif produisant une inhibition. On est bien d'accord ? On peut également, carrément, déplacer un agoniste pour qu'on le fixer à un autre agoniste. C'est quand on fait des changements thérapeutiques. On vous avait donné un traitement. Vous avez donné un traitement. Ce traitement n'a pas donné lieu au résultat auquel vous attendez. D'accord ? Vous changez de schéma thérapeutique. Pour changer, pour avoir une meilleure efficacité, il faudrait que vous ayez, qui dit efficacité, dit spécificité dans la réponse. Mais pour cela, il faut choisir une molécule qui est capable de déplacer la molécule initiale. Sur ces six récepteurs. On est d'accord? C'est également un effet recherché sur les récepteurs. Mais pour cela, c'est un antagoniste, d'accord? Qui est compétitif, mais qui peut donner lieu à une réponse meilleure. Parce que ça serait aberrant de donner une molécule qui a une meilleure affinité, mais une plus faible spécificité. On n'est pas d'accord? Ça sera un échec thérapeutique. Maintenant, je peux donner un médicament qui a une meilleure spécificité, d'accord, mais qui a une affinité plus forte sur un autre récepteur. Est-ce qu'on peut parler d'antagonisme? Non. C'est quoi? C'est une synergie qui... Ah, j'ai donné un médicament qui a un effet agoniste, d'accord, qui a un effet agoniste, mais qui peut agir sur un site, un autre site récepteur, mais qui doit me produire la même réponse, le même effet. L'antagonisme, en fin de ne peut avoir lieu que si on parle sur le même récepteur. On est bien d'accord? On peut également augmenter. Vous allez voir, je vais essayer de schématiser tout à l'heure. Un site récepteur, notez bien s'il vous plaît, vous suivez, une molécule A, c'est le récepteur RA, d'un médicament, une molécule A, d'accord ? Et on a une certaine réponse. Donc, j'avais dit qu'on peut avoir une molécule B, d'accord ? Molécule B. La molécule A s'emboîte sur le récepteur A, mais elle n'a pas une spécificité. Parce qu'il y a toujours un cran qui manque. On peut ramener une molécule B qui peut déplacer la molécule A, se fixer à sa place, et donner une meilleure réponse, en intensité de réponse. D'accord ? On peut avoir également autre chose, c'est qu'on peut donner une molécule B qui ne va pas se fixer sur le récepteur A. Elle va se fixer sur la molécule A. Et on dit qu'elle le prend en sandwich. C'est comme dans les anticorps. Elle le prend en sandwich. Quel est l'intérêt? Pour que la fixation soit... Quelle est la différence de laisser la molécule A par là et de mettre la molécule B, mais qui ne se fixe pas sur le site récepteur? Protection. Hein? Elle va jouer sur quoi? Protection. Ça vient sur le B et B. Sur le délai de réponse. Au lieu que la molécule A s'éjecte, parce qu'elle a le temps de 2 minutes, la molécule B va maintenir la molécule A un peu plus longtemps sur son site récepteur. Et tant que la molécule A est fixée, généralement, dans quel cas on le fait, souvent certaines molécules, quand elles se fixent sur les récepteurs, il y a des enzymes qui vont la dégrader. En protégeant la molécule A, donc l'enzyme n'aura pas accès immédiatement à la molécule A. Et donc son délai de réponse est prolongé. Quelle est la différence avec les interactions maintenant? Avec ce mot, quelle est la relation ou la différence concernant les interactions d'ordre cinétique? Maintenant, le choix. Dans les interactions d'ordre cinétique, on prolonge quoi? On prolonge pas l'effet, on prolonge. Très bien, on prolonge le TL2. La différence, c'est que les interactions d'ordre Si l'éthique prolonge la durée de vie du médicament, ou la diminue, d'accord, alors que les interactions d'ordre dynamique prolongent le délai de réponse, soit prolongé, soit diminué. Il y a des interactions d'ordre dynamique, c'est spécificité. Qui dit spécificité dit réponse. Quand on dit cinétique, c'est lorsque le médicament va être plus rapidement absorbé, plus rapidement ou moins rapidement éliminé, plus rapidement, on parle de vitesse. Et la vitesse, c'est un temps de minute. Donc, c'est le temps nécessaire pour que la molécule soit éliminée. Donc, c'est une vitesse. Et on parle de T, un demi. Donc, les mots-clés, s'il vous plaît. Quand on parle de dynamique, c'est de délai de réponse, augmenter ou diminuer. Et quand on parle de cinétique, c'est le temps de demi. Je peux mettre, d'accord, un temps de demi-vie d'activité, de réponse. Donc je peux mettre délai. Mais si je mets T1/2, c'est la durée de vie de médicament. Est-ce que il est là? Il est là si je mets plus longtemps. Ou moins longtemps. Troisième élément sur le plan dynamique, certaines molécules n'agissent pas sur le médicament. Elles agissent indirectement sur le récepteur en modifiant sa configuration, tout simplement. Elle va faire quoi? Vous avez un récepteur qui doit s'enclencher avec ses deux bras, c'est-à-dire ses deux groupements. Et à ce moment-là, on a des molécules qui n'ont qu'un seul bras. C'est-à-dire qu'elle ne peut se fixer que sur celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut tout simplement, cette molécule dépasse la structure du récepteur, c'est-à-dire qu'elle modifie, on appelle l'allostérie, ou la stérochimie du récepteur, ou bien elle peut masquer carrément un groupement pour laisser une seule relation, une seule fixation, un seul groupement disponible et actif qui serait responsable de la réponse thérapeutique. Ça, c'est très rare. C'est tout simplement pour vous dire que sur les récepteurs, on a trois mécanismes. Le premier mécanisme qui est le plus probable et le plus important, c'est l'antagonisme. Une molécule qui dépasse une autre molécule de par son affinité. C'est clair? À ce moment-là, elle peut dépasser un agoniste pour donner un effet agoniste aussi performant. D'accord? Une bonne réponse. Elle peut dépasser l'agoniste pour ne produire aucun effet. Ça, c'est le deuxièmement. Elle peut tout simplement prolonger la demi-vie du médicament sur son récepteur en prenant un sandwich. C'est-à-dire pour éviter toute dégradation rapide au niveau donc, des récepteurs. Soit carrément, très rare, certaines molécules B peuvent changer la configuration du récepteur à la molécule initiale pour augmenter son affinité. On est bien d'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, vous prenez note concernant les interactions d'ordre cinétique, d'ordre dynamique, pardon. Elles peuvent se produire, les interactions peuvent se produire de trois manières. Ces interactions peuvent se produire de trois manières pour modifier la réponse. De quoi donc? Soit par antagonisme compétitif, soit par un antagonisme compétitif. En augmentant ou en modifiant ou en annulant, pardon, en augmentant ou en annulant la réponse initiale. Tu vois, on a augmenté. Si on doit dire qu'on a augmenté, c'est qu'on a une meilleure spécificité. Si on a annulé, on parle d'un petit deuil. Chose qu'on a déjà définie. On est bien d'accord. Soit en prolongeant le défilé, soit en prolongeant la durée de réponse, soit en prolongeant la durée de la réponse de la molécule A sur son propre récepteur, en prolongeant la durée, si vous voulez, de fixation ou de réponse de la molécule A sur son propre récepteur, et vous mettez en parenthèse sandwich. En sandwich. Soit troisièmement, vous pouvez prendre tout à l'heure le schéma pour vous rappeler ce que c'est sandwich, soit en modifiant l'affinité, en modifiant l'affinité du récepteur, modifier le récepteur par la molécule. Modifier donc la configuration du récepteur. En modifiant l'affinité, donc ça, ce que je dis l'affinité, c'est de modifier l'affinité de la molécule à son propre récepteur. Si je dis donc dans une question, je peux changer, on modifie la structure du récepteur pour la molécule A. Sinon, je dis, on modifie l'affinité de la molécule pour son propre récepteur. D'accord ? Si je modifie l'affinité de la molécule, si je modifie la structure, je modifie la structure du récepteur et non de la molécule. Je vais juste vous. Il y a un texte chez vous. Il faut comprendre, il y a des combats pas s'en sortir. Parce qu'il est incapable de faire la différence entre structure, d'accord, et affinité. L'affinité est liée à la structure. Mais un médicament, si vous avez bien retenu, un médicament, une molécule, et je l'ai répété, si vous l'avez gardé, vous n'avez plus oublié. Une molécule ne peut pas modifier la structure d'une autre molécule. Même si cette portion, automatiquement, celle des enzymes, donc une molécule ne peut pas changer la structure d'une molécule à son récepteur. Elle ne peut pas la changer, d'accord. Et même si elle la change de façon indirecte au niveau du métabolisme par un système inducteur, c'est-à-dire que ce sont des enzymes, alors d'autant plus qu'elle ne va pas la changer au niveau des récepteurs. Ça, c'est des interactions d'ordre dynamique. 1, 2, 3, 4, quels sont donc les facteurs? Ce sont des facteurs qui interfèrent et qui altèrent, qui modifient les interactions. Alors, facteurs modifiant ou influençant tout simplement les facteurs qui influencent les interactions. Ça résume un peu ce qu'on a vu sur le plan cinétique, de façon générale. Quels sont les facteurs qui influencent les interactions d'approche? Pardon? Est-ce que vous êtes d'accord que l'état nutritionnel peut influencer les interactions? Oui, oui. Par quel mécanisme? Quoi? L'état nutritionnel peut. Les ondes. Votre camarade dit que c'est l'état nutritionnel. En formant des complexes. Non. Ça, c'est pas bon. Et si je vous dis que c'est en rapport avec l'activité enzymatique, vous êtes d'accord que votre camarade, il y en a un indice. Est-ce que vous êtes d'accord pour cocher? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Une affinité pour le même molécule a la même affinité pour le récepteur, eh bien, elle va fixer la molécule endogène et pas la molécule exogène. On est bien d'accord ? Vous Qu'est-ce qui peut également ? Vous avez parlé d'aliments. Pardon ? La voie d'administration, merci. Certaines molécules doivent être données par deux voies différentes. Et si elles sont obligées d'être données par la même voie pour les faire croître, et ça c'est au moins pour l'auditeur méprisé. À côté des aliments, il y a autre chose. Pardon ? Que le pH, non. Les habitudes. Pardon ? Très bien. C'est des habitudes propres. Le tabac et l'alcool. Et la toxicomanie. C'est des molécules également. Quand on parle des aliments, je vous ai dit, faites attention également à des apports par ce qu'on appelle la phytothérapie. C'est très beaucoup de nous qui savent. Il y a également des principes actifs. C'est directement de l'auto-médication. D'accord ? Mais pas d'auto-médication dans le sens du médicament, mais par l'auto-médication par les parents. En plus de l'alcool, parce que l'alcool interfère beaucoup dans le métabolisme. L'alcool, le tabac, les drogués, la toxicomanie également, interfèrent dans le suivi thérapeutique. Et il y a beaucoup plus d'échecs thérapeutiques et d'effets secondaires chez cette population que une réussite thérapeutique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'interférences. On est bien d'accord sur ça ? Les facteurs, de façon globale, c'est des choses qu'on a déjà vues, sauf qu'il faudrait les voir dans le contexte d'une interaction, dans le cas d'un exemple. Donc vous notez quels sont les facteurs. On commence par le sexe. Et je dirais que la femme est beaucoup plus assujettie aux interactions médicamenteuses que l'homme. Pour la simple raison, parce qu'il y a des modifications de l'activité hormonale. Contrairement à l'homme, non, la femme a des cycles. C'est que la libération des hormones n'est pas toujours la même. C'est là que. Donc il y a le sexe. Quand je dis la femme, je reprends également la femme enceinte. Et là, je sous-entends beaucoup plus une interaction avec les molécules endogènes. Autre facteur, c'est les habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires. Dans les habitudes alimentaires, vous pouvez mettre des, tout ce qui est complexant, avec certains aliments qui complexent. Il y a le tabac, il y a l'alcool. Et il y a des pathologies sous-jacentes. Les pathologies sous-jacentes, vous mettez en parenthèse qu'elles soient d'ordre génétique. Pathologie sous-jacente, donc en parenthèse donc, génétique ou l'insuffisance hépatique, c'est ce qui nous intéresse le plus. Pathologie sous-jacente, génétique, parce que une modification, la génétique peut toucher aussi bien le récepteur que la cinétique. D'accord ? Et si on parle d'insuffisance hépatique, je donne un exemple. Si vous avez. Peut-être que j'en ai pas parlé, mais parfois, souvent, je dis que la réponse est évidente, pour moi, mais n'est pas pour vous. Si vous avez un sujet qui présente une insuffisance hépatique, quels sont les problèmes que vous risquez d'avoir ? C'est-à-dire que l'interaction va se situer à quel niveau dans un premier temps ? L'utilisation, non. Ah non. C'est pas faux, c'est pas faux. Et à ce moment-là, c'est le temps de l'individu qui augmente. Et il peut y avoir, très bien, il peut y avoir une surcharge. Mais la surcharge n'est pas due uniquement à une diminution de la vitesse de métabolisation, elle est également liée à la distribution, parce que souvent on a un taux de protéines diminué. C'est le taux de protéines diminué, surtout si vous avez des molécules acides, vous aurez systématiquement une surcharge. Par contre, l'insuffisance rénale, vous constatez que le risque est un peu réduit. Pourquoi ? Un concept, les molécules les molécules hydrosolubles. C'est-à-dire que le champ est rétréci par rapport aux molécules, aux autres molécules, c'est-à-dire pour le métabolisme, parce que ça concerne l'ensemble des molécules, et beaucoup plus dans les molécules hydrosolubles, parce que c'est ces molécules qui nous posent plus de problèmes, parce que leur temps de demi-vie est très important. Et les molécules hydro, n'oubliez pas, on va en parler tout de suite, les molécules hyposolubles, je l'ai dit, est une molécule qui a un large, j'emploie ce terme, qui peut être faux, mais j'emploie pour vous cadrer le raisonnement, je dis que, c'est comme les antibiotiques, je dis que les molécules hyposolubles ont un large spectre. Cela sous-entend que ce sont des molécules qu'on peut trouver dans l'organisme, c'est pas sur le plan d'activité, parce que quand on dit qu'un antibiotique a un large spectre, ça veut dire qu'il s'attaque à plusieurs types de bactéries. Là, ce sont des molécules qui peuvent se fixer un peu partout, et ils ont un volume de distribution important. On peut les trouver presque partout des organes, et qui, sur les responsables, peuvent provoquer ces molécules, peuvent provoquer des effets secondaires. Contrairement, je vais limiter le premier coup, aux molécules qui sont solubles, quand vous prenez le bidon, quand vous prenez le prospectus du médicament, c'est très simple. Plus vous voyez que la liste d'effets secondaires est très très longue, dites-vous, laissez-le fermer aux molécules qui sont solubles. Les molécules qui sont solubles ont des effets secondaires très limités. Parce que le spectre d'action, le spectre de diffusion est limité. On est d'accord, c'est ce qu'on appelle le mauvais mot clé. Avant donc, on aborde un chapitre, j'ai parlé d'activité, je préfère terminer le cours sur les effets secondaires, et on parlera donc interaction et effets secondaires, parce que vous êtes obligés, ou on est obligé d'expliquer, je vous demanderai toujours, parce que vous avez des questions, où les réponses vont être liées, c'est quelles seraient les conséquences d'une telle interaction. Ça va donner quoi comme problème. D'accord. Donc, après les interactions, donc c'est un cours à part, c'est les effets secondaires.